43. Deux figures, le génie romantique face au hacker. Lu par Florent Latrive. Deux figures, le génie romantique face au hacker. La propriété intellectuelle telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne reconnaît pas la dimension collective de toute création. L'attribution d'un droit exclusif de propriété sur l'immatériel spolie les inspirateurs sans lesquels une nouvelle œuvre ou une innovation n'aurait pas été possible, mais aussi le public, dont le rôle créatif est nié. La propriété intellectuelle sanctifie l'auteur ou l'inventeur, lui attribuant une place toute particulière dans une chaîne, pourtant complexe et collective, de création et d'originalité. Cette critique ne doit pas inciter à nier l'importance de l'auteur ou de l'inventeur. Le priver de tout droit serait aussi une spoliation, cette fois de la société à l'égard d'un individu. La question qui se pose est plutôt celle de l'équilibre à atteindre, et celui-ci a tout à voir avec la représentation que la société se fait des créateurs. La législation n'est que la résultante de cette image partagée. Or, le modèle qui structure aujourd'hui le droit de la propriété intellectuelle s'appuie sur une figure mythique, celle du génie romantique, ce damné reclus dans sa chambre mansardée, à l'écart de toute contrainte marchande et de toute pression populaire, libre et autonome, ne devant à personne d'autre qu'à lui son inspiration. L'auteur romantique est un modèle d'organisation de la création, un auteur conçoit une œuvre seule, la fait éditer par un éditeur qui la délivre au marché. Ce modèle, qui ne décrit qu'une petite partie de la réalité, a force de mythe dans la mesure où il imprègne la représentation que l'on se fait de la création, indique Thomas Paris. Lorsque l'on pense à l'activité artistique, on imagine Beethoven sourd face à son piano, pas une session collective d'écriture de scénario pour le cinéma avec un producteur qui tourne en rond autour de ses ouailles. Un inventeur, on imagine Archimède dans sa baignoire, Newton et sa pomme, jamais un laboratoire grouillant de chercheurs qui travaillent en collaboration et les neurones branchés en direct sur des bases de données, leur fournissant tous les travaux sur le sujet depuis 30 ans. L'image du génie romantique conduit ainsi à se faire une idée fausse de l'identité des réels bénéficiaires de la propriété intellectuelle. Car qui est protégé aujourd'hui ? L'écrivain, le compositeur ou l'inventeur individuel, bien sûr, mais aussi l'éditeur, l'interprète, le producteur et plus généralement l'entreprise. Tous ont rejoint l'auteur et l'inventeur sur la liste des intérêts pris en compte par le droit. Tous ont obtenu des titres de propriété sur les créations et en tirent des revenus. En Europe, le droit d'auteur couvre même les bases de données, qui ne sont pourtant que des agrégats de création et d'informations émanant de sources multiples. De plus en plus, le brevet et le droit d'auteur protègent l'investissement économique, pas le créateur. Il récompense le financement, pas le savoir ou la culture. Selon le juriste Michel Vivant, cette logique a toujours été présente, mais elle devient aujourd'hui dominante. Et elle devient dominante au sein même du droit d'auteur et de ses droits apparentés, pour qui la dimension économique n'était pas la dimension première, à la différence du brevet ou de la marque, qui ont toujours été des droits marchands. Selon lui, cette logique conduit souvent à se désintéresser de la création. Face aux intermédiaires marchands du savoir et de la culture, à leur poids économique grandissant, le créateur individuel ne pèse plus guère. Il est désormais quasi absent du champ des inventions. En 2002, près de 80% des demandes de brevets effectuées en France émanaient d'entreprises, et pour une bonne part de serial breveteurs, soit une trentaine de firmes qui se partagent le quart des dépôts. Le domaine culturel offre le même constat. Si tous les créateurs sont protégés par le droit d'auteur, très peu d'écrivains, de musiciens parviennent à vivre de leur art. La somme des revenus attribués aux auteurs ne correspond qu'à une mince part du chiffre d'affaires global des industries qui en font commerce. Dans l'édition, cela ne représente que 12% des 2,4 milliards d'euros de la filière en 2002. Dans le secteur du disque, cette part tombe à 8,7%, le reste revenant à l'éditeur, au producteur, au distributeur, au fabricant. Pour les grandes firmes spécialisées dans les secteurs des médias, du divertissement, de l'innovation technologique, la propriété intellectuelle constitue un capital comme un autre. Une maison de disques est évaluée à l'aune de son catalogue, c'est-à-dire des droits qu'elle détient, et une entreprise high-tech d'après son portefeuille de brevets. On comprend mieux pourquoi, dans ce contexte, les plus lyriques discours de défense des créateurs émanent surtout des éditeurs, des producteurs et des entreprises, pour qui les arguments éthiques et moraux servent d'abord à réclamer davantage de protection légale et à obtenir des mesures contre la piraterie. La figure de l'auteur romantique a été instrumentalisée et mise au service des intérêts économiques des intermédiaires tirant leurs revenus de la création.